I saw the best minds of my generation destroyed by madness. C'est très dur, c'est pas un billet de papier, c'est une pierre tombale. 6 gigs d'otages, c'est vraiment, c'est mort, n'est-ce pas? Cette lutte avec le papier est vraiment très, très terrible. Été 2019. La France lit. Oui, mais elle lit quoi? Est-ce que tu préfères lire un long roman de Victor Hugo ou de la poésie tchèque? Aujourd'hui, on va parler de poésie, mais pas que. Et qu'est-ce que tu vas lire après? Est-ce que tu préfères lire dans les trains? Est-ce que tu préfères lire au but de Chaumont? Ou dans ton lit? Aujourd'hui, nous allons parler de la lecture dans les trains, de la poésie, mais pas que. 5 poèmes présentés et lus par notre invité vont rythmer cette émission. Je vous laisse les découvrir. Épisode 7, Oriane. Alors, je vis dans un petit appart, donc... J'ai pas de pièce à part entière pour le bureau avec la bibliothèque. Donc tout s'organise un peu autour de mon lit. Il y a une partie qui est à même le sol, qui comporte des ouvrages de réflexion, de philosophie. Et aussi les recueils de lettres. Une partie en hauteur qui regroupe... les romans, les récits de voyage, les journaux. J'ai plus loin de mon lit toute une partie qui comporte à la fois la poésie et le théâtre. La poésie s'ordonne sur 5 étages, le théâtre sur 1 étage. J'ai de chaque côté de mon bureau une bibliothèque qui comporte des ouvrages portant sur les langues, la traduction. Aussi 2 étages consacrés à la critique littéraire. Alors, cette bibliothèque s'est constituée surtout pendant mes 10 ans d'études. Il faut savoir qu'avant de faire mes études, j'achetais quasiment pas de livres. Donc, je lisais les livres qui étaient à la bibliothèque de mes parents ou j'achetais les livres pour l'école. Est-ce que... Enfin, il y a un changement dans le choix des lectures entre avant et maintenant. Alors... Question bateau pour... Le changement majeur, ça a été ma passion pour la poésie, qui a commencé quand j'avais 20 ans à peu près, sachant que j'y étais déjà très sensible avant, mais que je n'achetais rien. Et je lisais toujours les mêmes poèmes. Et ça... Lesquels? En fait, j'avais une anthologie des poèmes, les 100 plus beaux poèmes de la langue française ou quelque chose du genre, avec Victor Hugo, principalement Rimbaud, Verlaine. Et je connaissais quelques poèmes par cœur de cette anthologie. Et sinon, j'avais Les fleurs du mal de Baudelaire, qui est toujours dans ma bibliothèque à Paris, qui avait été acheté pour l'école par mon frère. Et je m'étais acheté 2 recueils, seulement 2 recueils, une anthologie des poèmes de Mallarmé et Alcool d'Apollinaire. Voilà. Donc, en fait, dans ma bibliothèque, je pense que Baudelaire et Mallarmé sont les 2 plus vieux livres, à ceux que j'ai depuis le plus de temps. Donc, j'ai rien acheté entre cette époque-là et mes 20 ans, quasiment, sauf des livres pour la prépa. Et à 20 ans, j'ai acheté Mahmoud Darwish, je me souviens. Je regardais au hasard dans les librairies et j'achetais ce qui me plaisait le plus. J'y passais beaucoup, beaucoup de temps. Comme maintenant, encore. Je passe beaucoup de temps dans les librairies, je choisis mes libraires en fonction de leur patience. Et voilà. Il y avait Cavafis aussi, en attendant les barbares, parce qu'une prof avait lu un poème de lui en cours, Ithaque. Et ça m'avait beaucoup marqué, alors je voulais absolument l'acheter. Il y a eu de la poésie tchèque, parce que c'est le moment où je me suis mise au tchèque. Donc là, j'ai cherché les recueils de poésie tchèque dans Paris. Ça s'est fait dans quel sens? Est-ce que tu t'es intéressé à la poésie tchèque et donc tu as commencé à apprendre le tchèque, ou est-ce que tu as commencé à apprendre le tchèque et donc tu t'es intéressé à la poésie tchèque? Alors, c'est une bonne question. En fait, ça a commencé quand j'étais petite et ça n'avait pas de rapport avec la littérature. Ça a commencé avec la musique, parce que j'écoutais beaucoup Dvorak et Mahler et j'adorais ces compositeurs. Et mes parents voulaient m'emmener dans un pays étranger pour que je découvre les pays étrangers. J'avais 9 ans. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est l'Europe centrale, parce que j'écoutais ces compositeurs-là. Donc ils m'ont emmenée à Prague. Et là, j'ai commencé à avoir une passion pour ce pays. Mais ça n'est que beaucoup plus tard que j'ai commencé à l'apprendre. Et je l'ai appris grâce, encore une fois, à la musique, à des musiciens tchèques, et grâce à la poésie aussi. Parce que j'ai commencé à lire des poèmes traduit du tchèque dans une bibliothèque et je me suis dit que je voulais les lire en tchèque. Voilà. Et il y a eu aussi... comme j'étudiais les langues, j'étudiais aussi l'anglais. Il y a eu des recueils d'auteurs anglo-saxons. Et... Bon, on en trouve un certain nombre. Il y a pas mal de livres, en fait, en anglais dans ma bibliothèque. J'ai acheté pas mal de livres à cette époque-là. Je les ai beaucoup lus. Et la poésie anglo-saxonne compte énormément pour moi. Comme la littérature anglo-saxonne, de manière générale. Ce qui fait que même si je lis des littératures, parfois, des livres traduits de langues rares... comme le tchèque, il y a un peu tout hein, dans ma bibliothèque. Il y a du tchèque, il y a du finnois, du danois, il y a vraiment de tout, je pense, quasiment. Il y a du malais. Mais ça ne veut pas dire que j'ai une passion particulière pour les langues qui sont peu parlées, parce que j'ai quand même... aussi beaucoup lu en anglais. Et c'est par l'anglais que j'ai découvert aussi certains auteurs et certaines autrices étrangers. Parce que, par exemple, la poésie allemande, parfois je la lisais en traduction anglaise. J'ai lu des poètes japonais en traduction anglaise, des poètes slovènes. Parfois, ce qui n'était pas disponible en français, je le lisais en anglais. Voilà. Ce qui m'a beaucoup orientée aussi, c'est que justement vers 20 ans, 21 ans, non, plus tard, j'avais 22 ans, 23 ans, oui, en fait j'ai commencé à participer à un forum qui regroupait à la fois des gens qui écrivaient de la poésie et des gens qui étaient passionnés de littérature de manière générale. Et moi, j'étais surtout là pour échanger sur la littérature parce que j'avais jamais eu la chance de m'inscrire dans ce genre de groupe. Et il y avait un forum qui s'appelle toujours et qui est toujours très actif, Jeunes écrivains, où je me suis inscrite parce que j'avais un copain qui participait par la même occasion. J'ai découvert toute une communauté de personnes qui s'intéressaient à la poésie et là, j'ai commencé à échanger sur la poésie. Et ce groupe m'a beaucoup aidé aussi à développer cette passion pour la poésie. Ça a été une passion qui s'est inscrite aussi dans un cadre collectif. Et la bibliothèque, c'est pas une bibliothèque qui n'est associée qu'à des lubies personnelles, qu'à des heures arrachées à la solitude, C'est aussi une bibliothèque qui s'est constituée dans un groupe, par des échanges, par des relations d'amitié, parce qu'au-delà d'Internet, il y a eu aussi le développement de plusieurs liens amicaux assez forts. Et on a continué à échanger par SMS, par d'autres réseaux sociaux, aussi par Twitter, parce qu'ils sont sur Twitter. On a continué à échanger comme ça. Et il y a beaucoup de livres, en fait, qui se trouvent dans cette bibliothèque grâce à eux, parce qu'ils me les ont conseillés. Voilà. Et tu y contribuais, du coup à... Oui. Mais plus maintenant. Aussi. Il y a eu des... Et ça se fait par période. Il y a des périodes où je participe plus du tout. Pendant 3 ans, j'y suis pas allée. Et là, j'y suis revenue. Je recommence à poster des poèmes. Mais en fait, même quand j'allais plus sur le forum en question, j'étais toujours en relation avec ses membres. Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse largement Internet et qui, voilà... Donc, en fait, on continuait à échanger par SMS, on s'envoyait des poèmes par SMS et tout ça. On peut faire ça plus souvent. Oui. Premier poème. Je vais commencer par Amelia Rosselli, document. Alors, traduit de l'italien par Rodolphe Gauthier. Et le poème que j'ai choisi s'intitule « À Schubert ». À Schubert. Une mélodie couleur orange avait retenti dans mes oreilles si attentives au solfège d'un violon assez net pour me toucher jusque dans mes fibres nerveuses, le grand cœur qui me tirait par les cheveux pendant que je dansais avec la mélancolie ce soir-là où je n'avais pas de rendez-vous. Mélodie éternelle et inexplosée, mélodie de sentiments qu'on ne peut pas violer dans le secret tombal de l'apôtre. Apôtre de quoi? D'une quasi désespérée, quelquefois allègre exposition de vos tableaux, mentaux, sentimentaux et ordinaires. L'amour, dans une boîte bien fermée, n'eut pas le temps de demander pardon. Alors là, du coup, c'est la poésie, c'est la bibliothèque devant laquelle on est, mais est-ce qu'il y a un ordre plus précis, intérieur? Alors en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que je sais où se trouvent les recueils, hein, de manière générale. Je sais sur quel étage ils sont. Mais il n'y a pas vraiment d'ordre. Alors la taille compte parce qu'en fait, les rangées sont plus ou moins hautes. Donc il y a des livres particulièrement grands que je peux pas ranger sur certains étages, me semble-t-il. Ou c'est plus compliqué en tout cas. En fait, oui, j'ai un ordre un peu bizarre. J'ai tendance à mettre... Alors si, quand même, il y a les Orphées. Il y a une collection Orphée chez La Différence qui apparemment vient d'être ranimée. Alors là, cette collection est à part. Là, j'ai rangé tous les livres de cette collection ensemble. Donc eux sont rangés par collection, il y a des livres traduits du chinois aussi qui sont rangés par collection. D'ailleurs les livres chinois et japonais sont regroupés sur la première rangée, on peut dire que ceux-là sont plutôt rangés selon un certain ordre. Il y a aussi tous les livres de Jacques Roubaud qui sont regroupés, et il y en a pas mal quand même, parce que je l'aime beaucoup. Mais sinon à part ça, alors c'est par ordre de préférence, alors c'est un peu bizarre. En haut, il y a ceux que je préfère, et plus on va vers le bas, moins ce sont des livres que je lis, en fait. Enfin... Alors, je les aime quand même, hein, sinon ils seraient pas là, mais je les lis moins que d'autres. Il y a Goethe, par exemple. Goethe, je le lis pas beaucoup. Et... Mais c'est quand même... Je le lis quand même de temps en temps, et surtout, je l'apprécie beaucoup, mais c'est bon. Voilà, je le lis moins que Louise Gluck ou Sophia de Mello Breiner. Voilà. Ah, il y a aussi... il y a des exceptions quand même. Par exemple, j'adore Rilke. Et j'ai regroupé tout Rilke, tous les livres poétiques de Rilke, les recueils de poèmes, parce qu'il y a aussi évidemment d'autres types, enfin d'autres genres qu'a pratiqué Rilke, mais qui sont ailleurs. Eux sont regroupés sur le 4e étage, alors même que je les apprécie beaucoup. Oui, disons que ce qui vient perturber l'ordre, c'est aussi que la bibliothèque est en train de s'effondrer sous le poids des livres. Et donc, il y a des livres que je ne peux pas remettre dedans, donc ils sont en train de s'entasser. Voilà. Bon, typiquement, les derniers livres que j'ai consultés se trouvent empilés devant les différents étages. Ah oui, effectivement, oui, c'est ça, c'est sa petite pile qui est en train de sortir la bibliothèque. Voilà, alors, c'est ça. Qu'est-ce que je vois? Je vois Pétrarque. Oui, tout à fait. Amélia Rosselli, je ne connais pas. Alors, Amélia Rosselli, c'était une poétesse italienne du XXe siècle qui a écrit de très très beaux poèmes, assez souvent assez cryptiques, avec énormément de références qu'on ne saisit pas forcément. Et disons que la force émotionnelle d'un certain nombre de poèmes est tellement grande que saisir ou non ces références n'est pas si important. Et j'aime beaucoup. Et ça nécessite un petit temps d'adaptation, parce que c'est une poésie qui est rythmiquement est un peu éclatée. C'est pas toujours facile de saisir le rythme des poèmes, mais en tout cas c'est très beau. Une fois qu'on y est habitué, on se laisse prendre par la musique très spéciale de ces poèmes. En tout cas, c'est une belle collection de poésie. Même quand je vois ta collection d'Orphée, moi la mienne fait pas le figure. Hein. Après, je suis assez fan depuis des années et je les ai tous achetés plus ou moins à la même époque. Parce qu'il y avait une librairie qui en vendait vraiment à bas coût, quoi, 2 € le livre. C'était fabuleux pour les gens qui voulaient découvrir des poètes étrangers. Vraiment. En plus, en bilingue. En fait, j'ai découvert énormément de choses grâce à ça, grâce à Orphée. Bah, j'imagine, parce qu'il y a plein de choses que je connais pas du tout. Ça fait une base en fait, tu pars de ça et ça, après tu élargis à partir, c'est comme des cercles concentriques. Les cercles concentriques de la poésie. C'est ça, tu pars d'un point et après tu élargis. Par exemple, la poésie chinoise, c'est parti d'Orphée. J'ai lu des poètes chinois, je connaissais pas du tout, mais alors pas du tout. J'en avais jamais entendu parler, je savais pas qu'ils étaient célèbres. Et je me suis dit qu'en fait c'était vachement bien, qu'on connaissait pas du tout en Europe, mais que c'était super. Et là j'ai commencé à en acheter d'autres, et voilà. Et je crois que ce qui m'étonne le plus, c'est que tu aies résisté à la tentation de mettre tous les NRF Poésie ensemble. Hein. Ah oui, Je comprends que c'est une entité un peu moins forte que celle d'Orphée, parce que c'est beaucoup plus large, et c'était pour ça, peut-être. C'est vrai, alors en fait, je mets pas trop. Je suis attachée à cette collection parce que, évidemment, il y a plein de poètes que j'adore qui sont publiés chez Gallimard. Parfois, ils sont pas publiés ailleurs, donc, par exemple, si Juan Gelman, j'ai jamais su comment prononcer, je crois que c'est Juan Gelman. Je l'ai déjà lu dans d'autres collections, mais pour connaître ses commentaires de Thérèse Davila et de Jean de la Croix, il faut le lire chez Gallimard. Donc c'est une collection qui m'est chère et en même temps, ouais, Gallimard, elle est pas pratique parce que parfois, je suis pas tout à fait fan des traductions. Il y a aussi des problèmes qui tiennent au fait que les pages tiennent très mal. La colle fond facilement, donc ce sont des livres qui... Donc je dirais pas que j'ai une dent contre cette collection, pas du tout, mais... Un désintérêt poli. Voilà. Mais je suis contente qu'elle existe, franchement. Puis elle rend accessible des recueils qui, sans ça, ne pourraient être consultés que dans de grandes éditions, difficiles à trouver, un peu chères. Non, mais elle est très importante pour rendre accessible la poésie. Mais voilà, il y a des inconvénients, notamment les pages qui tiennent pas bien. Déjà au lycée, je me suis orientée vers la section littéraire, ce qui n'avait rien d'une évidence parce que quand j'étais petite, j'étais plutôt passionnée par la biologie. Et mes parents sont des gens cultivés, mais pas spécialement littéraires en particulier. Et même, je pourrais dire même pas du tout, en tout cas mon père. Et même s'il est sensible à la poésie, il n'en lit pas, mais il y est sensible. Donc je me suis orientée vers la littéraire un peu par défaut, parce que j'étais mauvaise en maths. Et à cette époque-là, j'ai commencé à lire de la littérature, principalement parce que je me disais qu'étant inscrite en littéraire, ce serait bien de découvrir un peu. J'ai pas d'abord pensé à lire de la poésie. Et il se trouve que ça a bien marché en littéraire, je suis devenue bonne élève. Et ensuite j'ai fait une prépa à Paris, donc j'ai déménagé, j'ai eu ma propre chambre. Donc j'ai d'abord été en foyer, mais j'avais ma bibliothèque. J'étais en prépa littéraire, je lisais la poésie qu'on étudiait en cours, qu'on me demandait d'acheter. Tu te rappelles ce que c'était à ce moment-là, le programme? Oui, je me souviens bien, on a eu Gargantua. Gargantua, il y a eu La Reine morte de Monterland, Le Lys dans la vallée de Balzac, plusieurs pièces de Racine, Partage de midi de Claudel, qui est magnifique. Mais j'ai bien aimé le programme de manière générale. Enfin, toutes les œuvres que j'ai citées étaient vraiment des découvertes importantes. Hein. Il y a eu les essais de Montaigne aussi, ça c'était très important pour moi. Même si j'ai rien compris. La première fois que je les ai lus, c'était laborieux. Mais c'était important quand même. Quoi d'autre? En poésie, pas grand-chose en fait. Hein. Pas grand-chose. Mais on en étudiait en classe, on a étudié Maurice Sève, que je découvrais. On a étudié Ronsard, que je connaissais pas bien du tout. C'est là que j'ai entendu parler de Pétrarque, avec quelques recommandations du prof dont je me suis souvenue. J'ai découvert Pétrarque un petit peu après, mais grâce à ça. On a étudié quoi aussi en cours? On a étudié des poèmes de Verlaine, de Mallarmé. Et globalement, je me souviens quand même très bien des textes qu'on a étudiés en cours, ça me marquait. Je me souviens malheureusement pas trop de ce qu'en disait le prof, mais je me souviens des textes. Et c'est très important et d'une certaine manière, je dirais que c'est le plus important dans les cours de français. Maintenant que je suis prof de français, je me dis que si mes élèves pouvaient se souvenir au moins des textes, ce serait très très très très bien. Et donc, après la prépa littéraire, je me suis orientée vers des études d'histoire géo et de langue. C'est là que j'ai commencé à étudier les pays tchèques, donc l'histoire et la géographie des pays tchèques. J'ai fait un peu d'anglais aussi. Et au terme de mes études de géographie, j'avais la possibilité de devenir prof d'histoire géo. Mais il se trouve qu'entre-temps, ma passion pour la littérature s'était beaucoup développée. Et je me voyais plutôt prof de français. Donc je me suis réorientée pour passer le CAPES et l'agrégation de lettres modernes. Et voilà. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait. Et donc, c'était des années enrichissantes. Après, je suis pas J'ai jamais adoré passer des concours, donc c'est pas le cadre que je préfère pour découvrir la littérature, mais c'était des années enrichissantes quand même, et j'ai pas du tout regretté d'avoir fait ce choix. Pas du tout. Je pense que c'était assez logique, mais en fait, il faut dire que c'était pas très stratégique parce que quand j'étais en prépa, j'étais très mauvaise en français. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait de l'histoire-géographie. J'étais très nulle en latin et en français. Et voilà, les explications de texte, c'était toujours raté. Les compositions françaises, c'était toujours raté. Je savais pas faire ça. Mais vraiment pas, hein. C'est pas pour comment dire, me sous-estimer. J'étais vraiment très mauvaise pour ça. Et donc, quand j'ai choisi de faire des lettres modernes, c'est pas du tout en me disant que j'allais faire quelque chose pour lequel, pour, une chose pour laquelle j'étais vraiment bonne et où j'allais forcément réussir, etc. Au contraire, je me suis dit que c'était pas forcément le meilleur choix scolaire, mais c'était celui qui avait le plus de sens. Et en fait, je pense que c'est parce que ça avait beaucoup de sens que ça s'est finalement bien passé, contrairement à ce que je pouvais penser. En tout cas, c'est pour ça que je me suis accrochée, même si c'était pas facile du tout. Deuxième poème. Alors, le deuxième poème est de Jacques Roubaud. Il est extrait du recueil Quelque chose noir. Il s'intitule, et c'est une citation de d'Alix Cléo Roubaud. Toutes les photographies sont moi. En fait, c'est une citation qu'on peut entendre dans un film, Les photos d'Alix, de Jean Eustache, où Alix Cléo Roubaud est interviewée et elle parle de ses photos. Et elle dit, toutes les photographies sont moi. Périssable, sentimental, moi-même périssable. Tout ce qu'on risque de perdre, te le donner, tu vas le perdre. Je ne ressemblerai pas toujours au monde. J'ai été le monde, moi aussi, ressemblante à s'y tromper. Je ne dissipe pas l'ombre de l'oubli. Je m'essaie à briller, hors d'éclat, hors la mémoire, contrebande indiscernable du souvenir pur. Entre, assiste à mon enfance intérieure, au deuxième côté du temps. Il y avait deux fils parallèles. Il y avait mes études d'un côté, les lectures obligatoires, l'approche de la littérature qu'on était obligé d'avoir dans les études littéraires. Et de l'autre, il y avait mon parcours de lectrice indépendante. Et les deux fils ne se recoupaient pas forcément. Et parfois, c'était très frustrant parce que j'avais l'impression d'avoir une culture littéraire qui me servait absolument à rien parce qu'elle n'était pas légitime, pas reconnue dans le parcours académique où j'étais inscrite. Ça a été une source de frustration importante en fait. De me dire que finalement c'est comme s'il y avait deux choses, deux univers parallèles, deux manières d'avoir accès à la littérature qui auraient dû se renforcer l'une l'autre, qui auraient dû s'enrichir l'une l'autre, mais qui en fait étaient finalement très cloisonnées. Oui, c'est l'idée de. Je me suis enrichi de mon côté, mais en fait, ça ne pourrait absolument pas communiquer avec le reste de ma vie, puisque c'est pas ça qu'on me demande. Hein. Exactement, ouais. Ouais, c'était pas ça qu'on me demandait. On me demandait pas de connaître la littérature tchèque, on me demandait pas de connaître même la littérature allemande, en fait. On me demandait pas de connaître tout ça. Donc j'avais une connaissance de la poésie qui était absolument inutile, autant le dire. Et peut-être aussi, comment dire, une expérience. Parce qu'au-delà de de ce rapport au livre imprimé, il y a un rapport au texte poétique. tels qu'ils sont écrits par des amateurs, voilà, dans des cadres amicaux, parce que j'ai un certain nombre de copains qui écrivent des poèmes, mais pour le plaisir, en fait. Et j'ai été souvent amenée à les lire. Je suis une commentatrice assidue de ce type de texte. Et ce qui est drôle, c'est que cette expérience de commentaires, de poésie... Et c'est dommage, parce que ça me donnait une autre approche de la poésie. Pas comme une espèce de chose parfaite, merveilleusement bien constituée, devant laquelle on s'agenouille et devant laquelle on pousse de grandes exclamations en disant que c'est génial, ça appartient à une espèce d'entité surnaturelle, divine. C'était pas ce rapport-là à la poésie que j'ai développé, c'était forcément un rapport beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel, qui est lié à des amitiés, à des... Enfin, c'était quelque chose de très très vivant, en fait. Et si je dois enseigner la littérature, mon but, ce serait de me saisir de ce cadre académique pour faire passer, voilà, des... pour essayer de faire accéder à des connaissances qui peuvent être utiles, savoir organiser ses idées, etc. Mais aussi autre chose, m'en servir plus comme des prétextes pour apporter autre chose, simplement la capacité à faire de bonnes problématiques et à faire des plans en trois parties. Et... c'est un peu... Je pense que c'est ce qu'on espère tous et toutes. Enfin, beaucoup de profs de français sont avant tout des passionnés de littérature et ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient persuadés que le béaba de de l'amour de la... enfin le centre de l'amour de la littérature, ce soit de faire des problématiques et des plans en trois parties. Enfin, je pense qu'on est tous conscients que ça n'est qu'un moyen pour faire passer autre chose. Pour avoir peut-être une vision plus précise des œuvres, pour prêter attention à certains détails. Oui, pour être plus sensible à certains aspects qu'on n'aurait pas remarqué en fait sans ces exercices académiques. Et je pense que ces exercices-là, ce sont jamais des fins en eux-mêmes. Savoir les maîtriser, c'est bien, mais il y a quelque chose au-delà qui est plus important que ça. Troisième poème. Alors, le troisième poème est extrait d'une anthologie de Philippe Jacotet. En fait, Philippe Jacotet a fait une anthologie de ses propres traductions. Il s'intitule « D'une lyre à cinq cordes ». Et il a notamment traduit du russe Ossip Mandelstam. Il me semble que le poème que je vais lire est extrait précisément du recueil Tristia, qu'on trouve donc pas dans son intégralité dans l'anthologie de Jacotet. Prends dans mes paumes pour ta joie un peu de soleil et un peu de miel. Les abeilles de Perséphone nous l'enjoignent. On ne peut détacher la barque non amarrée, ni entendre l'ombre chaussée de fourrure, ni vaincre dans la vie épaisse la peur. Il ne nous reste plus que ces baisers, velus comme les petites abeilles qui meurent à la porte de la ruche. Elles bruissent dans les fourrés limpides de la nuit. Leur patrie est l'épaisse forêt du Téget, leur aliment, le thym, la bourrache, la menthe. Prends pour ta joie, mon sauvage présent, ce pauvre collier sec d'abeilles mortes qui ont transformé le miel en soleil. Tout est très inspirant, je trouve. Souvent, je lis pas chez moi. J'ai pas de lecture très sédentaire. J'aime bien prendre les livres et les emporter. Déjà parce que je reste très peu dans mon appart. Mon appartement, c'est un lieu où je dors, je me prépare à aller au lit, je me prépare le matin, où je mange. Mais c'est pas un lieu où j'aime rester pendant la journée. Donc j'aime bien sortir dès que j'en ai l'occasion. Aller à la bibliothèque, aller dans les parcs, aller dans les cafés. Et à chaque fois, j'emmène des livres. Pour moi, les meilleurs lieux où lire, ce sont des lieux extérieurs à chez moi. Donc il y a beaucoup de livres qui voyagent comme ça. Et donc les livres sont pas associés à des heures de lecture sédentaire. Ils sont associés à toutes sortes de souvenirs, de déplacements en fait. Donc, je sais où j'ai lu tel livre. Donc souvent des cafés à côté de chez moi. Je prends le train entre Paris et Orléans. Parce que je suis originaire d'Orléans. Mes parents vivent toujours là-bas. Donc je fais des allers-retours. Je dirais une fois toutes les 2 semaines. Et c'est toujours l'occasion pour moi de lire des poèmes. Donc soit je lis des poèmes, soit je rêve, tout simplement. Est-ce que tu veux aller regarder de l'autre côté? Oui. Alors en fait ici se trouve... En fait, c'est un mélange de romans, de journaux, de récits de voyage, de nouvelles. Il y a de la fiction, beaucoup de fiction, mais pas seulement. Il faut savoir que j'aime beaucoup les journaux aussi. Et je lis peu de romans. J'en discutais avec des amis récemment. On discutait de notre rapport aux romans. Et c'est très intéressant parce qu'en général, les grands lecteurs, on les présente avant tout comme de grands lecteurs de romans. Or, je fais partie d'un petit groupe où le fait de lire des romans n'est pas si évident. Finalement, on lit énormément, mais peu de romans. C'est un véritable investissement temporel, émotionnel, imaginaire que de lire un roman. C'est compliqué. Puis c'est une lecture linéaire, il faut prendre le temps de se plonger dans cet imaginaire et de le suivre, d'en suivre le fil, sans sauter de page, sans passer d'un endroit à un autre. Il y a une discipline dans la lecture du roman. Et moi, j'ai pas cette discipline. J'aime bien passer d'un bout à l'autre, sauter des pages, revenir en arrière. C'est pour ça que j'adore les recueils. C'est ça, je pense aussi que ton temps de lecture est absorbé par les recueils et donc les contraintes, et styles de lecture que ça impose. Exactement, oui. Oui. Puis il faut dire que je travaille beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Et j'avais peu de temps pour lire les romans. D'ailleurs, j'en souffrais un peu de ne pas avoir ce temps pour la fiction. Un temps pour une fiction développée, une fiction qui m'embarque pendant une période, une longue période, ou une période de plusieurs semaines. C'est agréable aussi de se laisser emporter comme ça pendant un certain temps, d'être fidèle à une œuvre. Et je pouvais pas. Ça demandait trop de temps, un temps que j'avais pas, une attention que j'avais pas. Ce que je fais pendant les vacances, la première chose que je fais, c'est lire des romans. Je me dis que c'est le bon moment. Et donc là, qu'est-ce que tu as ou vas lire cet été? Alors, j'ai une pile. Oh, il y a une autre pile que j'ai pas vue. Alors, elle se trouve pas dans la bibliothèque parce que... elle se trouve à côté de mon lit. Je les range au fur et à mesure que je les lis. Alors, il y a Les années douces d'Hiromi Kawakami. Ça, c'est un cadeau d'anniversaire. C'est une amie qui me l'a offert. Un certain nombre de mes livres sont des cadeaux, d'ailleurs. Comment dire? Des manières aussi de me rappeler les personnes que j'aime. Ou la manière dont les personnes que j'aime et qui m'aiment se rappellent à moi. J'aime bien cette idée de lien par le livre aussi. Alors là, c'est. Alors, je ne sais pas prononcer les mots hongrois. Guerre et guerre. Oui, Laszlo Krasznahorkai. Voilà. J'ai lu mon premier il y a une semaine. Alors voilà, ça c'est dans ma liste depuis longtemps. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. J'ai pas lu celui-là, mais apparemment celui-là est très très bien. Ça a l'air. Je voulais le lire, d'ailleurs. Bientôt. J'aime beaucoup la littérature hongroise, enfin, ça veut rien dire parce qu'il y a évidemment plein de livres très très différents et tout, mais les quelques livres hongrois qui me sont chers sont particulièrement importants, m'ont particulièrement marqué. Il y en a quelques-uns dans ma bibli. Alors il y a Roberto Bolaño, les détectives sauvages. Alors celui-là, ça fait très longtemps que je veux le lire aussi, mais je l'ai acheté il y a très peu de temps. Ça pour le coup, c'est une somme. Oui. Vaut mieux le commencer pendant les vacances. Alors il y a Rowinton Mistry, l'équilibre du monde. C'est une camarade de prépa à Greg qui me l'a recommandé. Ça a l'air super chouette aussi. Je sais pas si c'est un auteur ou une autrice. En tout cas, c'est un roman traduit de l'anglais de l'Inde. C'est l'une des piles où on trouve plusieurs. Bah, sur la première rangée, on trouve plusieurs récits de voyage. Donc, on trouve Jacques Lacarrière, l'été grec, que j'aime beaucoup. Alors j'ai une conception très très très vaste du récit de voyage parce que je prends en compte aussi les livres qui parlent de promenades dans une ville. Mm-hmm. Parce que pour moi c'est des types de voyages qui reposent pas forcément sur cet exotisme associé au changement de pays, etc. Mais qui sont quand même des voyages particuliers. Et... qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a aussi Vincent Jacques, l'écume des voyages, Milos Czarniecki, enfin Milos Czarniecki. Donc en fait, ce sont des journaux de voyages en Italie notamment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, Mozart auf der Reise nach Prague. Alors ça, c'est différent, c'est de la fiction, mais c'est... ouais, ça parle de voyage aussi. En longeant la mer de Kyoto à Kamakura aussi. Voilà. Sonate d'automne à Montréal aussi. Et il y a des livres qui ne parlent pas de voyage, mais qui ont beaucoup voyagé. Par exemple, The Waves, les vagues, de Virginia Woolf, ici présent. Je le sors. Alors, il n'est pas spécialement abîmé, c'est miraculeux. Mais il est allé partout, donc on voit ici Deutsche Guggenheim. Des trucs de parfum qui doivent être là depuis des années. Ouais. Oui, ce livre a beaucoup voyagé. Il a voyagé en Allemagne, il a voyagé en Italie. Je l'ai relu plusieurs fois au cours du même été. C'est un livre très important pour moi. L'un de mes livres préférés. Et je me reconnaissais un peu dans tous les personnages, mais surtout les personnages féminins. Et je me reconnais jamais dans les personnages de romans, donc c'est important de le préciser. Je crois que cette identification était d'autant plus forte, d'autant plus importante qu'elle était rare. Et en fait, j'ai jamais osé vraiment le relire parce que j'ai peur de détruire le souvenir très fort que j'en ai gardé. Enfin, j'ai pas osé le relire après cette période parce que je l'ai relu plusieurs fois au cours de la même période. Mais c'était quand? C'était juste fait, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Et là, tu as 28 ans. Oui, oui, c'était il y a 7 ans. 7-8 ans. Et j'étais très déprimée au moment où je l'ai lu, mais bon. Ouais. En fait, tout ce que je lisais à l'époque avait... C'est comme si mes émotions étaient décuplées en lisant. Tout m'affectait, mais de façon très exacerbée. Et un certain nombre de mes lectures à cette époque-là ont été importantes parce que je ressentais les livres d'une manière particulière, de très très forte. Ouais. J'ai pas forcément ce rapport viscéral au roman dans toutes les périodes de ma vie, j'en suis consciente. C'est pareil pour tous les arts, en fait. Il y a des périodes où j'y suis très très sensible. J'ai toujours peur de les redécouvrir à un moment où j'ai pas cette sensibilité exacerbée. Ouais, je vois tout à fait. Je vois un autre livre qui parle de voyage, qui est tout en haut cette fois-ci. Ah oui, Voyage au bout de la nuit. Alors en fait, celui-là est pas vraiment dans la bibliothèque. Ah oui, oui, il y a un chou-fleur qui est posé dessus. Alors, enfin, une peluche en forme de chou-fleur. Alors il faut que j'explique. Céline, je l'ai pas fini, c'est pour ça qu'il est tout en haut de la bibliothèque, pas vraiment rangé dans la bibliothèque. Il y a Proust aussi, mais Proust, je l'ai lu. C'est juste qu'il y a plusieurs tomes et je n'ai mis qu'une partie des tomes dans la bibliothèque. Enfin, j'ai mis que le temps retrouvé et le reste, je l'ai mis dessus. Disons que le temps retrouvé représente l'ensemble des livres de la recherche dans la bibliothèque. Oui, Voyage au bout de la nuit, je l'ai pas fini, c'est pour ça qu'il est tout en haut. Pourtant, ça m'a beaucoup marqué. Je sais pas pourquoi j'ai pas pu le finir. Je crois que c'était un peu lourd émotionnellement. Et j'ai posé le chou-fleur dessus pour peut-être parce que justement, comme j'ai cette lecture est associée à un certain poids émotionnel, il fallait trouver quelque chose pour alléger tout ça. Et j'ai pensé à cette peluche en forme de chou-fleur que j'ai gagnée cette année parce que je suis une très très fidèle consommatrice de produits Casino. Je vais très très souvent chez Casino. Et à force d'aller chez Casino, j'ai eu un certain nombre de points fidélité qui me donnaient le droit d'acheter cette peluche à 2 euros. J'ai donc acheté cette peluche. Après, je me suis demandé pourquoi. Ça, c'est une belle affaire. Oui. Je ne savais pas quoi en faire, et donc je l'ai posée sur Céline. Et je trouve qu'ils vont bien ensemble, Céline et le chou-fleur. Voilà. Ouais. Peut-être que cette lecture est associée à un certain poids, le poids de la culpabilité. Parce que je me dis, quand même, c'est un beau livre et tout, en plus, ça t'avait plu, c'était... Quatrième poème. Le quatrième poème est un poème d'Anna Armatova, traduit par Marion Graff et José-Flore Tapie. Dans une anthologie aussi, l'anthologie L'églantier fleuri. Et c'est, le poème est extrait précisément du recueil qui justement s'intitule L'églantier fleuri, d'un cahier brûlé. Autre chanson. Les paroles non dites, je ne les répéterai pas. Mais en mémoire de cette rencontre manquée, je planterai un églantier. Comme elle brillait là-bas, comme elle chantait, notre rencontre inespérée, je ne voulais plus rentrer, non, plus jamais. Délice amère, amer bonheur, loin du devoir, j'ai parlé avec qui je n'aurais pas dû, j'ai longtemps parlé. Qu'elle étouffe les amoureux, la passion rapace, toi et moi, mon aimé, Ne sommes que deux âmes, là-bas, tout au bord du monde. Mais c'est toujours intéressant de parler des livres qu'on n'a pas finis, parce qu'il y a plein de raisons de ne pas finir un livre. Parmi ces différents livres qui sont dans la bibliothèque, il y en a quand même beaucoup que j'ai pas fini. Parce que je suis pas une lectrice très très... comment dire, j'ai un rapport anarchique au livre, comme je le disais tout à l'heure. En fait, ce qui me gêne, c'est que souvent, je dois parler de livres que j'ai pas lus comme, d'une manière très orthodoxe, on va dire. Parmi ceux que j'ai lus de A à Z, bien, comme il faut, il y a « Et puis » de Natsume Soseki, qui est un magnifique livre que je recommande beaucoup et qui est l'un des seuls romans traduits du japonais que j'ai lu. C'est une histoire d'amour. Je lis pas tant d'histoires d'amour que ça, hein, finalement. Madame Bovary, je l'ai lu très tardivement. Enfin, très tardivement. J'avais 20 ans et quelques, hein, donc j'étais jeune, hein, mais... Disons que ça arrivait tardivement dans mes études. J'avais 25 ans, je pense. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Mais je trouve que ça reste un livre très, très scandaleux, même quand on en a déjà entendu parler et qu'on sait de quoi il s'agit. Ça reste... Ça n'a rien perdu de son caractère scandaleux, je trouve. Et c'est génial. La conscience de Zeno, c'est génial. Et j'ai beaucoup ri et bon... beaucoup d'humour noir, il faut aimer. Mais il se trouve que dans le roman, j'aime beaucoup l'humour noir. En dehors du roman, j'aime pas trop l'humour noir. Mais dans le roman, oui. C'est pareil, en fait. L'humour qu'on aime dans la littérature, c'est pas forcément l'humour qu'on aime dans la vie. Il y a un humour grinçant que je supporte pas forcément en société et que, dont je suis très friande en tant que lectrice de romans. Seule la mère d'Amos Oz, c'est un roman composé de poèmes, ce qui est quand même assez rare. En fait, c'est un recueil de poésie roman. Et c'est très très très très beau. C'est le seul Amos Oz que j'ai lu. Un excellent souvenir. Alors, Pride and Prejudice, ça fait partie des romans que je n'ai pas lus en entier. Donc j'ai lu des bribes, mais en fait... J'ai vu plein d'adaptations. Et donc, voilà. Dans La nuit de Bicêtre de Marie Didier, j'avais beaucoup aimé parce que c'était le moment où je lisais des livres sur la représentation de la folie en littérature. Ici, il s'agit de l'angle psychiatrique avec l'histoire de l'aliénisme en France, des aliénistes. Et pourquoi je m'intéressais à ça ? C'était lié en fait à mes recherches. Notamment à l'histoire de la représentation de la mélancolie dans la littérature. Le moment où je lisais L'encre de la mélancolie de Starobinsky et Austerlitz de Sebald, l'histoire de la folie à l'âge classique, de Foucault, qui n'est pas dans ma bibliothèque, même si je l'ai lu et relu. C'était une lecture importante. Alors, il y a beaucoup de livres que j'ai empruntés. La bibliothèque de Paris 7 Diderot, parce que j'étais étudiante à Paris 7, et je tiens à dire que j'aime beaucoup Paris 7 et que sa bibliothèque m'est très très très chère. Et j'y ai emprunté beaucoup de livres qui par conséquent ne sont pas là. Mais nous pensons à eux, nous ne les oublions pas, ils ne sont pas présents, mais... pas matériellement présents, mais présents dans notre cœur, voilà. C'était un type particulier de livre, c'était plutôt des essais, ou... Que tu as emprunté dans la bibliothèque et que tu n'as pas là, ou alors c'était un peu de tout ? Un peu de tout. Beaucoup de poésie, d'ailleurs. Beaucoup de recueils de poésie... que j'ai pris en photo, c'est pas très bien, mais je les ai photocopiés, je les ai pris en photo. Il y en a qui sont présents dans des sortes de pochettes plastiques comment, oui, des porte-vues. Donc, ils sont présents dans des porte-vues. Ils sont présents sous forme de photos aussi. Sur mon portable, sur mes portables successifs. Donc, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux. Je remercie la Bibliothèque Paris Diderot d'exister et de m'avoir permis d'emprunter beaucoup de choses qu'on ne trouve pas forcément sur le marché, qu'on ne trouve plus sur le marché. Mmh. Un certain nombre de choses qui sont devenues épuisées ou hors de prix. J'ai pu les lire grâce à la Bibli. Donc voilà, donc, j'ai fait une digression qui m'a quand même permis de parler d'une bibliothèque complémentaire. qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, il y a La route des Flandres de Claude Simon. Ça, c'était au programme de l'ENS, quand j'étais en Cagne. J'avais beaucoup aimé. J'ai jamais pu le relire parce que j'ai trop aimé, j'ai peur de plus aimer maintenant. Et en plus, j'ai lu d'autres livres de Claude Simon. Et... Alors, le sentiment que j'ai par rapport aux œuvres de Claude Simon est variable. Il y a des œuvres que j'ai trouvées pénibles à lire, d'autres que j'ai adorées. Voilà. J'ai peur que La route des Flandres bascule dans la catégorie des livres pénibles de Claude Simon à mes yeux. Pour préserver un bon souvenir de ce livre, je préfère ne pas le relire. En même temps, ton souvenir agréable ne s'effacera jamais, il restera toujours. Même si tu devais le relire, tu devais moins l'apprécier, ça n'effacera jamais le fait que tu l'aies apprécié avant. Oui, oui, oui, tout à fait. Ça reste une lecture importante parce que j'avais jamais lu un livre comme ça avant. Le style charrie avec lui plein de conceptions du monde, de soi... Donc tous les livres étaient importants aussi pour ce qui m'apprenait du monde, de moi-même. Et en ce sens, y a des livres qui ont eu une importance particulière dans mes relations avec les autres et aussi dans ma conception politique de ces relations. Alors là, pour le versant politique, je dirais que Virginia Woolf était très importante. Parce que c'était la découverte du féminisme, des rapports de domination. Marguerite Duras aussi, hein, pour les rapports de domination d'ailleurs. Hein, mais là, j'en étais moins consciente. C'était moins explicite peut-être, ou j'avais pas l'âge pour m'en rendre compte. Mais pour le versant politique, Virginia Woolf était importante, et Charles Dickens aussi, y compris pour les choses peut-être qui n'étaient pas... Comment dire ? Parce qu'il y a ce qu'un auteur va te... Comment dire ? Va consciemment, peut-être... Enfin, on ne sait pas de quoi l'auteur est conscient, mais... Ce qu'un auteur va te pointer, va te mettre sous les yeux. Et il y a toutes les choses aussi qui sont entre les lignes, qui ne sont pas forcément explicitées, dont on n'est pas sûr que l'auteur ait été conscient. Mmh. Et Dickens, c'était important pour ça aussi. Parce qu'il avait une représentation des rapports entre hommes et femmes, par exemple, qui n'était pas du tout celle à laquelle j'étais habituée, par exemple, dans de grandes espérances, qui était important aussi pour moi. Il est là. Great Expectations, en anglais. C'est l'un des rares romans que j'ai lu en anglais en entier, hein, je crois. Quoique, je l'ai peut-être lu en français pour compléter. Bref, ouais. Par snobisme, je ne mets pas forcément les traductions françaises des livres, mais en général, je les ai lus en français. Ouais, ça, c'était important pour les rapports de domination et pour la conscience sociale des individus. Parce qu'en fait, dans le roman, il y a un personnage qui se rend compte de son appartenance à une strate de la société qui est inférieure à celle à laquelle appartient la personne qu'il aime. Et c'est par le sentiment amoureux, enfin j'espère que je me souviens bien du livre parce que ça fait des années que je l'ai lu, mais c'est par le sentiment amoureux qu'il se rend compte de tout ce qui fait qu'il n'appartient pas à la même strate de la société. voilà, ses chaussures, il se rend compte de son physique, ses chaussures, je sais plus. Il y a des détails comme ça sur lesquels il va, son attention va se fixer et il va se rendre compte que tout ça est symptomatique en fait. Et en fait, ouais, ça me parlait beaucoup à l'époque. Parce que je crois que j'ai pris conscience parfois de différences sociales par des détails comme ça. Donc, versant politique, côté très littéraire, est-ce que tu t'es aventuré au-delà de la littérature pour ce qui était des questions politiques? Alors, pour être honnête, pas vraiment. Je lis très peu d'ouvrages politiques. C'est pas un mal, hein. C'est toujours du temps perdu sur la littérature. Donc Après, il y a des ouvrages philosophiques où les questions de la politique, peut-être. Je suis pas sûre que je les ai vraiment lus pour ça. Non, si, quand même, il y a des livres d'histoire et de géographie où il est question de politique. Et quand même, ouais. Mais même la question du nationalisme, par exemple. J'ai plein d'ouvrages sur le nationalisme. Et ça, c'est important, même politiquement, pour moi, c'est important, cette réflexion sur le nationalisme. Je peux pas dire que je l'ai lu simplement pour mes études, comme ça, pour étudier le nationalisme tchèque, par exemple. C'est des choses qui ont eu évidemment des répercussions dans mes convictions politiques, enfin, bon, forcément. Une langue, un territoire, une patrie, une nation... Avec cette dimension très unitaire et très exclusive, c'est une chose à laquelle j'ai du mal à adhérer. C'est aussi politique parce que c'est à chaque fois c'est aussi une tentative de m'arracher à un univers mental, culturel. Pour moi, c'est une façon de brouiller les frontières. Et je crois que quand on aime la littérature, on n'a plus vraiment de frontières. On ne reconnaît plus de frontières fixes. On appartient à plein de pays sans y appartenir vraiment. Mais en essayant de ne pas percevoir cette communauté justement comme quelque chose qui viendrait se calquer sur le modèle de la communauté nationale, donc avec ses symboles, avec ses limites qui excluent aussi ceux qui n'y appartiennent pas, avec ses signes de ralliement... Oui, une communauté qui est forcément composite, en fait. Qui a forcément pas de frontières fixes. Est-ce que tu veux repasser le frotte-côté ? Oui. Cinquième poème. Le cinquième poème est un poème de Juan Gelman, traduit par Jacques Ancet. Il s'agit de la citation 15... Citation de Sainte Thérèse d'Avila. Dedans ce lieu, il y a une dame, âme de toi qui me brûle la douce souvenance de toi, comme animal sauvage en ta course contre la mort, comme bonheur vivant de la lumière, comme parcelle ouverte de passion, différence de lumière qui brûle de toi à moi, ou tourterelle en paix. Cher que j'ai aimé et perdu, pensée de toi à toi, et je t'ai parcouru, contre l'effroi de ce savoir vivant, dans le sable de cette solitude. Il y a des livres absents parce que je les ai prêtés à des personnes. Je prête des livres, ouais. Surtout les recueils de poésie. Et on me les rend pas forcément. Mais bon, je me dis que c'est bien, ça permet de... Enfin, ce sont des livres qui voyagent, ça rejoint ma conception du livre voyageur. Je me dis que peut-être que les livres ont trouvé un foyer tranquille, où ils sont consultés de temps en temps. Tu es optimiste ? Mais il y a des livres que je pourrais jamais prêter. Ah bon, tu fais quand même une distinction entre les prêtables et les imprêtables. Ouais, il y en a. À une époque, j'arrivais mieux à prêter, mais aujourd'hui, il y a des livres que je pourrais, dont je pourrais pas me séparer. Le Juan Relman, là, par exemple, Vers le Sud et autres poèmes, je peux pas m'en séparer. Mandelstam, Svetaïeva, Amelia Rosselli, Les Poètes de la Méditerranée, c'est une anthologie, mais je peux pas m'en séparer. Je l'aime beaucoup. Aussi parce que je les relis de temps en temps, assez régulièrement. Et c'est frustrant de ne pas les avoir sous la main. Il y a Ono no Komachi aussi. Il y a mes Jacques Roubaud. Il y a les recueils de poèmes traduits du chinois aussi. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais bon. Ouais. Puis ceux qui sont difficiles à trouver. Par exemple, chez La Différence, il y a Sophia de Mello Breiner. Il est difficile à trouver et il y a beaucoup, beaucoup de poèmes que j'aime beaucoup dedans. Donc, Il y a les recueils de poèmes tchèques, enfin traduits du tchèque. Mais j'ai des recueils de poèmes tchèques aussi, uniquement tchèques. En fait, même après plusieurs années d'apprentissage du tchèque, j'ai toujours du mal à lire le tchèque, je l'avoue. Ça n'a pas l'air sympa. Non, c'est très très dur. C'est très dur et puis j'ai pas été très assidue ces derniers temps, donc ouais, c'est compliqué. Mais ils sont là, comme les livres allemands, je me dis un jour, tu parleras parfaitement tchèque et tu pourras les lire de bout en bout, sans avoir 1000 dictionnaires autour de toi. Je crois que parfois j'achète des livres dans l'espoir qu'ils vont m'encourager à faire certaines choses. Par exemple, apprendre le tchèque et l'allemand. Comme à une certaine époque, j'ai acheté des livres en anglais pour m'encourager à lire en anglais et à approfondir ma connaissance de l'anglais. Ça marche? Dans une certaine mesure, oui, parce que quand même, je voulais lire en allemand. Ça m'a motivée. Et pour le tchèque aussi. Ouais, ça marche un petit peu. Ça marche un peu, mais ça suffit pas, je dirais. Faut une petite incitation supplémentaire. Mais mon Heinrich Heine, c'est une anthologie en anglais et allemand. Alors je l'ai acheté parce que je trouvais pas Heine en français, pas comme je voulais. Puis j'avais lu un poème de lui qui m'avait donné envie de lire plein d'autres choses. C'était bon, la Lorelei. Et donc, j'ai acheté ce recueil. J'avais 20 ans, je crois. Je l'ai beaucoup lu en bilingue. Je l'ai traîné partout. Alors, ce livre-là a beaucoup voyagé aussi. Beaucoup, beaucoup. Et en fait, il m'a été assez utile pour apprendre l'allemand. Parce que vraiment, c'est à partir de ce livre que j'ai commencé à retenir des mots en allemand. Alors bon, c'est forcément un vocabulaire donc c'est pas forcément le vocabulaire qui nous permet d'acheter des gâteaux dans des pâtisseries ou de commander de réserver des emplacements de camping ou... c'est pas forcément très très très pas forcément très utile dans la vie pratique, mais ça m'a permis de m'y mettre. Et en plus de ça, bon, j'y suis restée très attachée. Les Orphées, La Différence, ont été utiles aussi parce que ce sont des recueils bilingues. Ça m'est arrivé de lire des poèmes tchèques en me référant à la traduction. Je sais pas s'il y a beaucoup de recueils de poésie tchèque. Dans ma bibliothèque actuelle, parce qu'il y en a un certain nombre que j'ai ramené chez mes parents. Ah si, il y a Ivan Blatny. qui est très bien d'ailleurs. Et j'aime bien lire des anthologies. Je sais qu'on médite beaucoup des anthologies, enfin, les puristes, parce que c'est important l'ordre des recueils et l'anthologie, ça vient rompre tout ça, surtout quand ce n'est pas les poètes qui les ont constitués. Et qu'est-ce qu'un poème isolé, pardon. Non, non, au contraire, non, j'ai juste à dire que les puristes médisent. Oui. Point. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Mais bon, je suis très consciente de tous ces problèmes dans les anthologies. Je sais que ça peut être un problème d'isoler un poème de son environnement dans un recueil. Toutefois, les anthologies, bon, il y en a qui sont extrêmement bien faites et qui permettent de faire découvrir beaucoup d'auteurs qui ne sont pas publiés par ailleurs, qui ne sont pas traduits. Et j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses grâce à ça. Certains de mes poèmes préférés ont été publiés dans des anthologies et je ne les ai jamais retrouvés ailleurs. Donc voilà, je suis très reconnaissante aux anthologies d'exister.